Essai sur le goût. Livre audio gratuit, un ouvrage de Montesquieu. Lu par Ami Lagrobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commons.org. Avertissement de l'éditeur. D'Alembert, dans son éloge de Montesquieu, dit « Il nous destinait un article sur le goût, qui a été trouvé imparfait dans ses papiers. Nous le donnerons en cet état au public, et nous le traiterons avec le même respect que l'Antiquité témoigna autrefois pour les dernières paroles de Sénèque. » Au tome 7 de l'Encyclopédie, publié en 1775, on lit à l'article « Goût » « Ce fragment a été trouvé imparfait dans ses papiers. L'auteur n'a pas eu le temps d'y mettre la dernière main. Mais les premières pensées des grands maîtres méritent d'être conservées à la postérité, comme les esquisses des grands peintres. » Dans les œuvres posthumes de M. de Montesquieu, Paris, 1783, in 12, on a reproduit ces fragments sous le titre de « Réflexions sur les causes du plaisir qu'excite en nous » les ouvrages d'esprit et les productions des beaux-arts. C'est ce texte donné par le fils de Montesquieu que nous suivons tout en ayant soin de reproduire en note les variantes de l'encyclopédie. À l'origine, le fragment s'arrêtait au chapitre intitulé « Des règles ». Ce chapitre a été publié dans les œuvres posthumes édition de 1798, comme terminant l'essai sur le goût. On y a joint une histoire merveilleuse de la vérité de laquelle je n'oserais me porter garant. La fin du morceau a été publiée pour la première fois en 1804, dans les annales littéraires. Tome 2, page 301. P veut bien se charger de te remettre le manuscrit que je t'ai annoncé. Je souhaiterais que le présent fût plus considérable. Ce n'est, à proprement parler, qu'un fragment de l'essai sur le goût. Malgré cela, je pense que tu ne parcourras pas sans intérêt ces lignes écrites par Montesquieu, et que tu éprouveras un certain sentiment de respect pour ce papier, en songeant aux illustres mains qui l'ont touché. Notre ami le tenait du secrétaire de M. de Secondat, qui, vers la fin de 1793, lorsque le sang commençait à couler à Bordeaux, jeta au feu beaucoup de papiers et de manuscrits de son père, dans la crainte, disait-il, qu'on ne vînt à y découvrir des prétextes pour inquiéter sa famille. Le secrétaire de M. de Secondat, qui l'aidait dans cette fatale opération, à laquelle il essaya en vain de s'opposer, eut la permission de distraire le morceau que je t'envoie. La lettre est datée de Bordeaux, 29 Ventoses en 4. On croit qu'elle est de 1001. Essai sur le goût dans les choses de la nature et de l'art. Dans notre manière d'être actuelle, notre âme goûte trois sortes de plaisirs. Il y en a qu'elle tire du fond de son existence même, d'autres qui résultent de son union avec le corps, d'autres enfin qui sont fondés sur les plis et les préjugés que de certaines institutions, de certains usages, de certaines habitudes lui ont fait prendre. Ce sont ces différents plaisirs de notre âme qui forment les objets du goût, comme le beau, le bon, l'agréable, le naïf, le délicat, le tendre, le gracieux, le je ne sais quoi, le noble, le grand, le sublime, les majestueux, etc. Par exemple, lorsque nous trouvons du plaisir à voir une chose avec une unité pour nous, nous disons qu'elle est bonne. Lorsque nous trouvons du plaisir à la voir sans que nous y démêlions une utilité présente, nous l'appelons belle. Les sources du beau, du bon, de l'agréable, etc. sont donc dans nous-mêmes. Et en chercher les raisons, c'est chercher les causes des plaisirs de notre âme. Examinons donc notre âme. Étudions-la dans ses actions et dans ses passions, cherchons-la dans ses plaisirs. C'est là où elle se manifeste davantage. La poésie, la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la danse, les différentes sortes de jeux, enfin les ouvrages de la nature et de l'art, peuvent lui donner du plaisir. Voyons pourquoi, comment et quand il le lui donne. Rendons raison de nos sentiments. Cela pourra contribuer à nous former le goût, qui n'est autre chose que l'avantage de découvrir avec finesse et avec promptitude la mesure du plaisir que chaque chose doit donner aux hommes.